c'est la dernière de la saison. Alors pour cette dernière, je me suis longuement interrogé sur le choix de la personnalité à laquelle j'allais refaire le portrait. Fallait-il choisir une grande star internationale comme Leonardo DiCaprio, peut-être un peu facile, ou plutôt une starlette française en devenir au gros potentiel comme Florian Schaap? Peut-être un peu trop tôt. Puis je me suis dit que les pantoufles explosives, c'était avant tout une équipe, une bande même. Il y avait eu la bande du Splendide, la bande à Ruquier, la bande à Bono, la bande à Basile, la bande Zaï, la contrebande même. Il y avait désormais la bande à Léa. Il fallait donc un artiste à même de symboliser cette notion de bande. Mais qui? Alors je passais la nuit sur mon ordinateur à surfer de site en site à la recherche de celui ou celle qui aurait l'honneur de recevoir ma chronique. Puis comme par miracle, vers 4h du matin, et par un hasard que je n'arrive toujours pas à m'expliquer, il apparut sur mon écran. Bon sang, mais c'est bien sûr. L'acteur que l'on associe toujours au mot bande, c'est Rocco Siffredi. Freddy, enfin Rocco, mais sans ses frères. Rocco et ses frères, j'en ai déjà parlé lors de la première de Pantoufles Explosives en présence de Guillaume Batz déjà. La boucle est donc bouclée et ma chronique est donc terminée. Merci. C'est un peu court, Jean-Paul. C'est un peu court. Alors tu vois, Thibaut, c'est le genre de réflexion que tu ne feras jamais à Rocco Siffredi. On a bossé dans l'enchaînement. C'est aussi la raison pour laquelle il a toujours tourné que dans des longs métrages de 40 cm environ. Oui, ça fait rêver, ou pas. Enfin, il paraît que la longueur du sexe est un sujet qui ne préoccupe que les hommes, que les femmes sont largement au-dessus de ça. Moi, ça me dérange pas du moment que nous, les hommes, on est en dessous. Mais il est vrai aussi que les hommes et les femmes, c'est pas pareil. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Twix. Par exemple, il y a une question existentielle que je me pose tous les matins quand je suis sur la balance et qu'une femme ne se posera jamais, c'est est-ce que je pèserais plus lourd si j'étais en érection? Bah pour y répondre, il faudrait déjà que j'arrive à rentrer en érection. Ça va. Non, c'est curieux. C'est curieux d'ailleurs comme c'est mon drame même. C'est curieux d'ailleurs comme expression entrer en érection, c'est un petit peu comme entrer au monastère, hein, sauf qu'à ce moment-là, ce sont ceux qui vous reçoivent qui entrent en érection. Et il y a toujours les enfants. Toujours. Alors, il y a toujours le CSA en double ligne là. Oui, mais avec ce qui vient, on perd l'émission. Rocco Siffredi est dans l'actualité puisqu'il a récemment déclaré avoir partousé avec Gérard Depardieu qui affirme ne pas s'en rappeler. C'est un peu normal aussi, il y a très longtemps que Depardieu n'arrive plus à voir ce qui se passe sous la ceinture. Ça vous fait rire, je pensais. On a Depardieu en troisième ligne. Je pensais avec Johnny. Je pensais faire un vide, mais tant pis. Alors, oh joli. Alors comment devient-on star de la croix? Non, du X, pardon, c'est du X. Alors, est-ce la croix et la bannière? Plus maintenant, grâce à l'université du Hard, créée par Rocco Siffredi. Alors au début, je savais pas très bien si c'était du Hard ou du cochon. Eh bien si, c'est vrai. Et c'est même très cochon. Plus de 30 000 élèves sont portés candidats pour occuper les 30 places réservées. 15 pour les garçons et 15 pour les filles. Autant vous dire tout de suite, ce sont les plus lèche-culs qui ont été retenus. Au programme, pas des mathématiques, il suffit de savoir compter à 69. On préfère privilégier les langues vivantes. Les becs sont, paraît-il, très appréciés. Le travail manuel bénéficie d'un bon coefficient, mais pas autant que les disciplines d'exploration. Comme le répète toujours Rocco Siffredi, l'important c'est d'aller au bout des choses. Rocco, qui pour montrer l'exemple, n'hésite pas d'ailleurs souvent à mettre la main à la pute. À la patte. C'est un lapsus, et dans lapsus, il y a... Enfin bon. Oh non. La lappe. Mais je m'égare, du Nord, où je t'ai attendu, Sophie. Encore. La semaine dernière que j'avais prévu d'aller manger des frites chez Eugène, du coup je faisais la gare Saint-Lazare, où j'ai rencontré des fleurs du mal, par hasard. Je suis rentré dans un sex shop pour me documenter sur les films de Rocco et j'ai découvert des pépites. Permettez-moi de vous les citer. C'est la dernière de l'émission, autant se lâcher. Et puis il faut reconnaître que les auteurs de Lefumix ne manquent pas de références cinématographiques ni d'humour. Ma sélection, La vérité si je bande. Ils sont partout, Léa. Autant en emporte le gland. Ils sont partout. Oh là là là. Trois hommes et un cul fin. Joli, celui-là. Le fabuleux vagin d'Amélie Bourrin. Position impossible. C'est mort, ne plus la prochaine. Chérie, j'ai agrandi les godes. C'est des mal en pis. Le pire, c'est celui-là, je trouve. Le con, la pute et le trou béant. Gorille dans la brune. J'aime beaucoup Gorille dans la brune. Les aventuriers du Derche poilu. Oui, au départ, Spielberg avait aussi tourné les films alimentaires. Out of Patricia. Prenez la queue comme tout le monde. Titanic, un naufrage cinématographique. Un morpion nommé Vanda. Et mon préféré, le plus dur, est derrière toi. Et Blanche-Neige et cette main, non, il y a pas. Non, je l'ai pas mise. Il l'a pas vu. Alors le plus dur pour moi, vous l'avez compris, c'était d'écrire cette chronique après tout le vin blanc que nous avons descendu Thibaut, Gilles et moi lors de l'anniversaire de Léa. Alors ce choix de Rocco Siffredi était-il judicieux dans cette dernière chronique? Je vais vous le dire, entre nous, on s'en branle. Joli. In fire. Merci.